Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui une histoire, Charles Dutoit et l'Orchestre symphonique de Montréal. La personnalité du directeur artistique influence énormément, non seulement l'orchestre, mais aussi le public. Mais ceci à condition qu'elle soit d'une certaine, qu'elle dure un certain temps. N'est-ce pas? Cette chose ne peut pas se passer en 6 mois de travail, mais échelonnée sur plusieurs années, il y a forcément une espèce d'osmose qui se produit entre le public, l'orchestre et le chef. N'est-ce pas? Il y a toute une collaboration un peu mystérieuse qui s'établit, et ça m'intéresse beaucoup. Et oui, ça m'a toujours beaucoup plu, et c'est vraiment je suis très heureux de me trouver. Je me sens déjà presque chez moi. Charles Dutoit, qui se sent déjà presque chez lui au moment où on annonce qu'il devient le nouveau directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Montréal en septembre 1977. Charles Dutoit va passer 25 ans à la tête de l'OSM. Il fera des enregistrements, des dizaines et des dizaines d'enregistrements de disques avec l'orchestre. Il va organiser des tournées partout dans le monde et il va donner à l'orchestre surtout cette enviable réputation de figurer parmi les 10 meilleurs orchestres au monde. La relation entre Charles Dutoit et l'OSM va mal se terminer. Mais cette osmose dont il parlait à l'instant, cette osmose entre un orchestre, son chef, une ville, fera partie de l'identité même de Montréal pendant un quart de siècle. Car je crois qu'il n'est pas un homme qui soit venu à Montréal, ou une femme, et qui a réussi à gagner non seulement la confiance, la satisfaction, à provoquer le bonheur des Montréalais, mais à se faire respecter et aimer par toutes les classes de la société, du plus humble au premier magistrat, si l'on veut, autant que Charles Dutoit. Nous avons tous compris, sans exception, qu'à son arrivée à Montréal, il n'épousait pas seulement l'orchestre, il épousait la ville, et tout ce qu'il fait, il le fait pour la ville autant que pour et avec l'orchestre. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, sur cette musique du Boléro de Ravel. Jean Drapeau qui rend hommage à Charles Dutoit à l'occasion de son 50e anniversaire en octobre 1986 pour nous parler de cette relation entre Charles Dutoit, l'OSM et Montréal. J'accueille ma collègue Françoise Davoine, animatrice à ICI Musique, témoin direct de ces 25 années de présence de Dutoit à l'OSM. Françoise, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ça se termine mal, on le sait, on la connaît cette histoire. On va y revenir à la fin de l'émission. Ça va mal se terminer, cette relation de Dutoit avec l'OSM, mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'essentiellement, ça reste une formidable aventure humaine et musicale. Et musicale, oui. Une formidable... Le Boléro, d'ailleurs, qu'on entendait, en témoigne parfaitement. En témoigne encore aujourd'hui. Hein. Ça reste aussi, c'est une relation magnifique et qui laisse des traces et qui continue à vivre par le disque. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire, oui. Et c'est l'OSM à son meilleur, cette époque de Dutoit, au fond. C'est l'OSM, c'est une très, très grande époque de l'OSM. Il faut dire aussi que le contexte mondial était très différent d'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, c'est très difficile. La vie des orchestres avec les chefs n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'elle a été à cette époque-là. Donc ça, c'est assez extraordinaire. C'est une époque où un chef peut vraiment... Il en parle d'ailleurs dans différentes entrevues du Toit, où un chef peut vraiment construire... Il a son orchestre et il peut construire quelque chose avec son orchestre. Ben, je dirais que c'est le rêve de la majorité des chefs d'orchestre, d'avoir justement une relation un peu comme un mariage avec un orchestre, plutôt que de vivre des aventures à droite et à gauche. Vous savez, il y a un moment où on veut vraiment construire quelque chose. Et c'est exactement ce qu'on fait, parce que c'est de la musique. On travaille dans les émotions tout le temps. On travaille avec différentes personnes. Vous avez une centaine de personnes devant vous et vous créez de la beauté. Mm-hmm. Alors, ça va très loin. Donc, on veut travailler peu à peu. On veut construire. On veut développer le répertoire. On veut faire connaître notre façon de voir la musique. Donc, c'est évidemment quelque chose de très important que de savoir qu'on s'engage dans une relation à long terme. d'accord. Et ça dure pas six mois, pour reprendre l'expression qu'on entendait dans son extrait au tout début de l'émission. Ça commence quand, cette aventure entre Dutoit et l'OSM? Ça commence par un concert qu'il est venu diriger, une année où on cherchait des chefs parce que le chef de l'OSM était parti de façon brutale. Donc, c'est arrivé quelques fois dans l'histoire de l'orchestre symphonique. Un peu remercié, le précédent. Raphaël Frobeck de Burgos, oui. Il y avait eu un article de Claude Gingras dans lequel Raphaël Frobeck de Burgos nommait des musiciens et en parlait de façon assez négative. Alors, les musiciens lui ont fait savoir qu'ils ne voulaient plus de lui. Alors, il est parti. Donc, il y a eu une année où on a invité des chefs pour les entendre diriger l'OSM. Et Charles Dutoit est arrivé le 15 février 1977. Il a dirigé, entre autres, la deuxième symphonie de Schumann et La Mère de Claude Debussy. Et le courant est passé. Ouais. Parce que c'est ça. Vous savez, c'est de la chimie. Il le dit, Charles Dutoit, dans l'extrait, c'est un peu mystérieux. Hein, la relation entre un chef, un orchestre et le public. Il ne faut pas oublier le public. Alors, ça a été gagné. La presse était enthousiaste. Ils se sont aimés. Ça a été un coup de foudre. Voilà. Il faut revenir toujours à cette histoire. À cette métaphore. Il est encore relativement jeune. Françoise Davoine, il a quoi, 42 ans quand il arrive ici? Il a presque 42 ans. Il est très connu en Europe. Il est très connu en Amérique du Sud, au Mexique. Il est très connu en Asie, au Japon notamment, qui est encore aujourd'hui un de ses pays préférés d'ailleurs. Mais il dirige assez peu en Amérique du Nord quand il arrive ici. Et Montréal va évidemment lui ouvrir les portes de tout le continent. Alors ça, c'est très important à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a une passion sans borne pour la musique de Stravinsky, de Igor Stravinsky, qu'il a rencontré personnellement à New York au début des années 60, qu'il connaît particulièrement bien le répertoire de ballet, Tchaïkovski, Ravel, De Falla, ça c'est un répertoire qu'il a dirigé à Vienne, et qu'il accompagne déjà certains des plus grands solistes de la planète, et notamment Martha Argerich, la célèbre pianiste qui a été son épouse aussi. Et quand il arrive à Montréal, et ça c'est important aussi pour Montréal, pour l'OSM, il a déjà enregistré plusieurs disques chez Deutsche Grammophon et chez Erato notamment, des disques ont déjà remporté des prix. Donc c'est quand même quelqu'un qui a déjà une notoriété remarquable. Alors, de quel orchestre hérite Charles Dutoit quand il arrive à Montréal? Quel objectif également se fixe-t-il? On l'écoute au micro de Pierre Rolland en mars 1978. Je m'efforce vraiment de le crier sur tous les toits, que tout le monde se rende compte que l'Orchestre symphonique de Montréal est un grand orchestre. Et je voudrais pas, il me semble qu'il y ait un peu d'inhibition et un peu de découragement. Et je voudrais vraiment que tout le monde sache qu'ici à Montréal, on a un grand orchestre et qu'il y ait beaucoup plus d'enthousiasme partout au sujet de cet orchestre, aussi au niveau politique comme au niveau des auditeurs, comme au niveau de tout le monde. Où voulez-vous mener votre orchestre? Eh bien écoutez, pour l'instant je voudrais avoir un peu de temps pour travailler, sans avoir beaucoup trop d'ambition dans un avenir, disons dans l'année qui vient. J'ai senti que tout le monde était tous ensemble. Et je voudrais vraiment ensuite pouvoir voyager, faire le plus de belles choses possibles avec l'orchestre. Et des belles choses, le plus de belles choses possibles. De belles choses, il y en aura beaucoup, Françoise Davoine. C'est intéressant quand il dit qu'à son arrivée à Montréal, quand Charles Dutoit dit « Quand j'arrive, cet orchestre-là est déjà un bon orchestre. » Cet orchestre-là, Françoise, a déjà été dirigé par de grands chefs également. Oui, il a été dirigé par de grands chefs. Je pense à Igor Markevitch, qui a dirigé justement le Sacre du Printemps à Montréal pour la première fois. Je pense à Charles Munch. On pourrait en nommer beaucoup. Zubin Mehta. Ça a été le premier poste de Zubin Mehta à la direction de l'Orchestre symphonique de Montréal. Mais là, comme directeur artistique, il avait 24 ans. Donc, c'était au début des années 60. C'est Zubin Mehta qui a inauguré la salle Wilfrid Pelletier, avec Wilfrid Pelletier aussi, à la tête de l'Orchestre symphonique de Montréal. Il faut dire que Wilfrid Pelletier en était le tout premier directeur artistique. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui a passé. Tout ça grâce à un homme qui s'appelait Pierre Béhic, et dont l'orgue de la Maison symphonique porte le nom aujourd'hui. Pierre Béhic a été un très, très grand directeur général et qui était un homme qui voyait grand, qui avait des relations partout dans le monde et qui s'arrangeait pour faire venir les plus grands musiciens à Montréal. Tous ceux qui passaient par l'Est des États-Unis, les repéraient et hop, un petit crochet à Montréal. Ouais. Alors, il y a eu des très, très grands, on ne peut pas tous les nommer, mais de très grands chefs et de très grands soliste. Et orchestre de qualité. Orchestre de qualité, mais l'OSM n'avait pas encore de réputation internationale et n'avait pas encore de discographie très enviable. Je pense que c'est ça qui intéressait Charles Dutoit. C'est son ambition, quand il arrive. Quand il arrive, il sait qu'il veut travailler une relation à long terme avec un orchestre et il sait qu'il veut peut le mener au sommet. Et que comme c'est un homme d'une culture immense, comme c'est un homme qui a toujours aimé voyager, comme c'est un homme qui, pour qui le monde n'a plus de secret, et déjà à cette époque-là, il avait déjà beaucoup voyagé, il veut en faire un orchestre de réputation internationale, et il veut faire des tournées, évidemment, au Québec un peu, au Canada aussi, mais c'est surtout international. Ouais. Il a toujours vu grand, et le mot-clé que je retiens aussi dans cet entretien, c'est le mot travail. Ouais. C'est un bourreau de travail. Ouais. C'est vraiment clair. L'un des instruments principaux dont il utilisera pour faire de cet orchestre le grand orchestre et lui donner justement cette réputation internationale qu'il lui donnera, c'est les disques, les enregistrements. Ouais. Il va, ça c'est un de ses grands coups, il va réussir à signer ce contrat d'enregistrement avec cette prestigieuse maison Decca. Comment il réussit son coup, Françoise? Ben, il arrive à un bon moment, il faut dire ça aussi. Hein. D'abord, dans les années 80, il y a de l'argent pour ça. Les disques, ça se vend, on en achète beaucoup, c'est plus comme aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que la maison Decca à Londres, qui est une des grandes maisons, cherche à renouveler la discographie qu'avait enregistrée l'Orchestre de la Suisse romande avec Ernest Ansermet. Et Ernest Ansermet a été le mentor de Charles Dutoit. C'est à Genève qu'il a fait ses études et tout ça. Donc, il est vraiment dans cet esprit-là. Et Charles Dutoit réussit à vendre à Decca l'idée qu'un orchestre de la francophonie avec un chef suisse, ce serait parfait pour Decca. Et c'est le producteur Raymond Scholl qui est venu à Montréal, en fait, qui a été très, très, très impressionné. Après ça, ils sont allés rencontrer le maire Drapeau qu'on a entendu. Et voilà, le tour a été joué et l'OSM a été mis sous contrat. Mais ça, ça va avec la personnalité de Charles Dutoit, qui est aussi un homme extrêmement charmant, qui sait créer des liens. Très vite en arrivant à Montréal, il a créé des liens avec Jean Drapeau, avec René Lévesque aussi, avec Denis Vaugeois, qui était ministre des Affaires culturelles à l'époque. Donc ça aussi, ça fait partie de sa personnalité. Et ce contrat avec Decca, évidemment, c'est le début d'une série d'enregistrements qui seront vraiment de grands, grands succès. On entendait le Boléro, qui sera, je pense, le plus grand succès, mais il y en aura d'autres. Et en fait, au cœur de ce succès, la qualité des enregistrements et le lieu où on enregistre ces disques, l'église de Saint-Eustache. Le premier disque Decca de l'OSM sera l'enregistrement de Daphnis et Chloé de Ravel en 81. On en écoute un extrait, de même qu'un extrait d'entrevue de Charles Dutoit au micro de Pierre Bourgault en octobre 86 à propos justement de l'église de Saint-Eustache. C'est la découverte de Saint-Eustache a été un facteur déterminant sur la qualité sonore de l'orchestre. Il est évident que lorsque nous avons commencé à faire nos disques à Saint-Eustache, c'était pour tout le monde une révélation, pour les musiciens. Personne n'avait entendu l'orchestre de cette façon-là encore. Non. Et les critiques musicaux, qui sont toujours naturellement, font toujours des commentaires assez acerbes, ont dit que lorsqu'ils ont entendu notre premier disque de Daphnis et Chloé, qu'il est évident que l'OSM ne sonnait pas comme ça, que c'était les techniciens de la maison de Decca qui avaient pris leur baguette magique et qui avaient fait dans les studios sonner l'OSM tel qu'il sonnait. Alors j'ai été absolument furieux, mais si furieux que c'est à la suite de ces déclarations stupides que j'ai commencé à parler d'une nouvelle salle. Je me suis dit, si on pense que l'OSM sonne bien à cause des techniciens d'une maison de disques, c'était le plus mauvais choix qu'on puisse faire, puisque Decca est la seule maison, en fait, qui ne manipule pas le son. Ça, c'est assez formidable. Ouais. D'abord, l'enregistrement, il est formidable, mais ce qu'on vient d'entendre... Ça donne des frissons encore aujourd'hui, vraiment. Et puis cet extrait de Dutoit, je le précise, enrhumé, quand il parle à Pierre Bourgault en 86, là, ce qui fait qu'il a une voix un peu éteinte, mais lui n'est pas éteint, et c'est formidable, cet extrait qu'on entend de Dutoit. Écoutez, c'est en sortant l'orchestre de cette salle médiocre où il joue qu'on réalise que Dutoit aussi réalise la qualité de l'orchestre qu'il a entre les mains. Ouais. Et c'est là que commence pour lui, il le dit... cette idée, il faut avoir une salle digne de mon orchestre. Ouais. C'est là que ça commence. Oui, alors vous réalisez combien d'années ça a pris pour avoir cette salle. Hein? Je me souviens de la première pelletée, l'appel même qui avait été conservé dans les bureaux de l'OSM pendant plusieurs années. Il y en a eu plusieurs des premières pelletées. Donc c'est sûr, parce que l'orchestre, en fait, il travaillait tellement et le son devenait beau. Écoutez, c'est magnifique, ça, cette sonorité d'orchestre, les chœurs et tout ça. Ça, c'était le grand talent de Charles Dutoit, de savoir équilibrer comme ça les sections et puis faire en sorte que le chœur sonne comme une section d'orchestre. Comment on peut décrire le style du toit, Françoise Davoine? Le style du toit. Alors, cette direction, moi, je dirais que pour avoir animé les concerts pendant 13 ans hein, en direct à l'antenne, donc je l'ai vu beaucoup de dos, mais je l'ai beaucoup écouté aussi. Claire, très précise, puis la musique devient toujours pétillante avec lui. C'est comme du champagne, en fait. Et l'orchestre, c'est la transparence de l'orchestre. C'est l'élégance de la ligne aussi que j'ai toujours vraiment appréciée. Je ne suis pas la seule. Hein. Bon, je pense que dans le public, c'est ce qu'on aimait chez Charles Dutoit quand il était ici. Et cet équilibre, donc, entre les sections, toujours extrêmement soigné, et la musique toujours en mouvement. Charles Dutoit disait souvent « faut que ça bouge ». C'est un peu son slogan « faut que ça bouge ». Mais la musique bougeait tout le temps. Alors, c'était assez extraordinaire. Et pour cet enregistrement de Daphnis, en fait, ce qui a été extraordinaire, c'est que c'est arrivé à un très bon moment aussi. C'était les tout débuts du disque compact. Hein. Ce disque existe en vinyle, il existe aussi en compact. Et la Maison des Cas s'est servie de ce disque pour faire la promotion du disque compact. Ce qui fait qu'elle a envoyé Daphnis et Chloé chez les disquaires, les marchands de systèmes de plaie, tout ça, systèmes de son, partout dans le monde. Donc, cet enregistrement de Daphnis et Chloé par l'OSM et Charles Dutoit a été entendu, mais partout dans le monde. Alors ça, évidemment, ça a beaucoup aidé. Hein. Et ce sera, Daphnis et Chloé, le premier, mais d'une série de disques d'enregistrement de succès. Les années 80-90, c'est complètement fou. On produit des disques, mais énormément. Les tournées, comment décrire cette fébrilité? Ben, c'est parce que tout allait ensemble, si vous voulez. Il y a eu plus de 70 enregistrements. Hein, 70 disques. En nombre de disques, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui sont en deux, en trois. Enfin bon. Mais plus de 70 œuvres enregistrées par l'OSM et Charles Dutoit dans ces grandes années, parce qu'au disque, on a associé les tournées. Le contexte était beaucoup plus favorable qu'aujourd'hui pour ça. Alors l'orchestre a commencé à aller en Europe, en Asie, est devenu un fidèle de Carnegie Hall. Bref, ça roulait, roulait, ça allait vite. Il est devenu le meilleur orchestre français du monde, selon la presse anglaise. Alors c'est de très, très grandes années pour le tandem OSM Dutoit et pour le public ici, et aussi, je dirais, pour les auditeurs de Radio-Canada, hein, parce qu'ils en ont beaucoup profité, et pour les auditeurs aussi en Europe qui recevaient les concerts de l'Orchestre symphonique de Montréal et de Charles Dutoit via l'Union européenne de radio-télévision. Donc, c'était vraiment une grande époque aussi, il faut le dire, pour la musique classique à Radio-Canada. Ouais. Alors, tout ce contexte-là, toutes ces choses mises ensemble, fait que ça a été une très grande époque pour l'OSM, pour Charles Dutoit. Et j'irais même plus loin, je dirais que ça a même inspiré tout le milieu musical québécois, parce que Charles Dutoit inspirait les musiciens à faire de grandes choses, à viser haut et loin, en la fait. Qualité. Ça créait beaucoup d'émulation. Ouais. Ouais. Il va quitter Montréal, donc, en claquant la porte en 2002. Les tensions avec certains de ses musiciens vont carrément le pousser vers la sortie. On revient sur cette fin de relation amère, Françoise Davoine, dans un instant. Mais d'abord, deux extraits. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il y a presque 10 ans qui séparent les deux extraits. On écoute d'abord Charles Dutoit en septembre 98, au moment où les musiciens de l'orchestre font grève. Et puis, on l'entend à nouveau au micro de Cynthia Dubois, presque 10 ans plus tôt, en 1990. Ce conflit me fait très mal au cœur. Je le dis d'autant plus amèrement que depuis 22 ans que nous travaillons ici, c'est la première fois que je vis ce genre d'expérience. Et je voudrais le dire vraiment aussi sans ambiguïté, je suis complètement du côté de mes musiciens. Seulement le problème, c'est que l'activité de l'OSM aujourd'hui est tellement liée à ma présence ici. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'osmose, non seulement à Montréal, mais dans le monde. Si je m'en vais, il y aura pas mal de problèmes, parce que l'orchestre va perdre son contrat de disque, et perdre pas mal de choses qui sont liées à ma présence personnelle. Alors je ne tiens pas du tout, en tout cas dans l'état actuel des choses, à ce que l'orchestre soit mutilé. Mais vous ne pensez pas que les musiciens d'orchestre peuvent vous rendre la vie difficile? Oui, ben, vous venez de le dire, je ne suis pas là pour être aimé par tout le monde, je suis là pour que mon travail soit respecté. S'il y a plusieurs musiciens qui me trouvent difficile, peut-être qu'ils ne m'aiment pas du tout, mais qu'est-ce que je peux faire? J'entends, ça existe partout, ça m'est tout à fait égal. Alors parlons de cette relation de Charles Dutoit avec ses musiciens, Françoise Davanne. Qu'est-ce qui se passe? C'est fascinant parce qu'on entend Dutoit dans un premier extrait en 98, au moment où les musiciens sont en grève, les musiciens de l'OSM, dire « je suis avec eux ». Mais 10 ans plus tôt, presque, en 90, déjà on sent bien dans cette entrevue avec Cynthia Dubois qu'il y a des tensions très très fortes. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de relation existe entre Dutoit et ses musiciens? Ben, je reviens à l'idée du mariage, quoi. Vous savez, dans un mariage, c'est pas toujours facile. Et puis là, vous êtes marié avec 100 personnes, alors ça démultiplie le nombre de problèmes possibles. Je pense que je veux pas trop me mettre et juger un petit peu de tout ce qui s'est passé, parce que moi, j'avais une relation très privilégiée avec Charles Dutoit et les musiciens, puisque j'étais animatrice pour Radio-Canada. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a eu un phénomène. En effet, il y a des musiciens qui n'aiment pas le style de certains chefs, puis ça se voit partout dans le monde. Et puis il y a des musiciens qui décident de ne pas rester dans un orchestre parce qu'ils n'aiment pas le style d'un chef. Alors, il y a Charles Dutoit, c'est sûr que c'était un bourreau de travail qui était très exigeant avec lui-même, avec les autres. Il y en a qui n'aimaient pas ça, c'est clair. Mais bon, il y a eu quand même eu tout le bénéfice aussi d'avoir un chef comme ça. Je pense que la plupart des musiciens en étaient très conscients. Mmh. Et puis, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, donc dans une relation de couple, dans un mariage, dans une vie familiale, il y a des tensions. Et un puis peu d'usure, peut-être. C'est ça. Et au fil des ans, ben, il y a de l'usure. Et puis, vous savez, l'histoire de la salle qui a été si longue à obtenir, ça aussi, c'était usant. Ouais. Pour un chef qui avait de telles ambitions pour son orchestre, qui avait fait tant pour élargir le répertoire, que pour le rapprocher du public aussi. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais dans les années 80-90, c'était incroyable tout ce qu'il a fait pour sortir l'orchestre des salles de concert, pour aller jouer dans les parcs. Enfin, bon, c'était énorme, en fait. Alors, c'était un très, très grand orchestre avec un très grand chef. Et le fait aussi qu'il soit très, très occupé partout dans le monde, qu'il revenait parfois fatigué, ça crée des tensions avec l'administration aussi de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et peut-être plus, je ne sais pas, je vous pose la question, parce qu'il, est-ce qu'à la fin, effectivement, il prend pas un petit peu le virage de la modernité, lui-même s'éloignant de son orchestre, devenant de plus en plus chef vedette invité un peu partout? Il a toujours été chef vedette invité un peu partout, ça c'est clair, mais je pense que c'est vraiment une question d'usure, de temps qu'on passe dans une relation musicale avec les gens autour aussi, avec une ville et tout ça. Une chose reste, par exemple, c'est que le public est toujours resté très fidèle, s'est toujours senti guidé de façon extraordinaire par Charles Dutoit. Vraiment, et on l'a vu cette année quand il est revenu diriger après 14 ans sans être venu à Montréal. Le public était vraiment au rendez-vous. Les billets se sont vendus en quelques heures. Hein. Ces années Dutoit, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un âge d'or pour l'OSM, Françoise Davanne? C'est un des âges d'or de l'OSM, ça c'est clair. Et ce que je dis, c'est que vraiment c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de faire se rejoindre comme ça les tournées, les disques. Et je crois que ce qui reste, en fait, cette année, héritage extraordinaire aussi, parce que l'OSM vit encore de tout ce travail qui a été fait avec Charles Dutoit. Et puis, il y a toute la discographie qu'il ne faut pas oublier, qui est extraordinaire. Et qui, vous savez, quand on voyage dans le monde, on les voit encore, ces disques-là, ils sont en très bonne position. Françoise Davanne, animatrice à Ici Musique, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Merci, Françoise. Ça m'a fait très plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou encore en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.